Il était en train de faire son nouveau record à Flappy Bird. Maintenant, le Flappy Bird, je vais l'associer à ça. Je trouve ça dégueulasse. Bon, excuse-moi. Je vais en faire Flappy. J'allais faire Flappy. Voilà pour cet effet. On fait ça les lundis à Assemblagerie. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Alors, je vous fais un top 10 immédiatement de vêtements et d'accessoires geek pour elle et lui. Donc, je commence. Il y en a peut-être que je vais passer sous silence, mais quand même, bien intéressant. Si vous êtes un geek et que vous avez tout, ben il vous manque peut-être ça, justement. Du liquide pour écran tactile. Il fait froid de il fait un froid de canard et porter des gants, eh bien, est obligatoire ou presque. Hein. Vous recevez un texto vous ne pouvez pas y répondre sans enlever vos gants. Nanotips, eh bien, est un liquide conducteur qui vous permettra d'utiliser votre téléphone ou votre tablette sans enlever vos gants. Vous n'aurez qu'à enduire les bouts des doigts de vos gants pour utiliser bien votre téléphone et c'est bientôt sur le marché. Nanotips, c'est pour les écrans touchscreen et pour garder nos gants et garder notre chaleur. Aussi, peut-être, ça vous intéresserait d'avoir des vêtements qui changent de couleur. Cute Circuit réinvente la mode. La compagnie a mis sur le marché des robes qui réagissent à divers stimuli, à la musique, à la chaleur du corps ou à la chaleur ambiante, au toucher. Et le vêtement change de couleur. Vous trouverez même une tenue qui interagit en fonction de votre fil Twitter, à condition, bien sûr, d'utiliser un réseau Wi-Fi. Bientôt, on verra peut-être la veste. En ce moment, c'est une robe. Excellent. Cute Circuit. Une veste pour les sports extrêmes. Donc, les amateurs de sports extrêmes à l'exposition New Nomad a révélé un prototype de vêtement qui intègre une passe électronique, un GPS, une liaison radio, des afficheurs d'avertissement si quelqu'un est trop près de vous, par exemple, et des éléments chauffants et des capteurs qui sélectionnent une piste musicale en fonction des gestes effectués. Quand même assez particulier. Sinon, on a une robe qui capte l'énergie. À chaque mouvement, nous dépensons de l'énergie pour produire une autre. L'énergie cinétique, eh bien, des chercheurs du studio SK et du XS Lab tentent de créer un vêtement qui captera cette énergie pour la transformer en électricité et l'emmagasiner dans une batterie. Ils souhaitent intégrer les composantes électroniques à la fibre elle-même du vêtement. Ça, c'est quand même assez intéressant aussi. Sinon, un T-shirt qui détecte les réseaux Wi-Fi, bien intéressant. Tannez d'essayer de toujours vous brancher. Eh bien, ce vêtement cherchera pour vous les réseaux Wi-Fi. Et donc, ils sont disponibles autour. Sur le devant du vêtement, eh bien, un indicateur amovible pour le lavage vous indiquera la force du signal sans avoir à consulter vos appareils et pouvoir ainsi rester en contact sans avoir besoin d'aller sur votre réseau 3, 4G et puis payer beaucoup, beaucoup de frais. On vous propose aussi le pull caméléon ou le hoodies caméléon. Donc, les tenues de camouflage et les vêtements fluo sont démodés, avez-vous compris? L'invention de la fibre chromique va révolutionner la mode. Elle permettra de créer des vêtements qui s'adapteront au décor ambiant et changeront de couleur en absorbant l'énergie électromagnétique. Plus besoin d'avoir une garde-robe bien garnie dans un futur pas si lointain, finalement. Des capteurs qui réagissent et puis qui changent la couleur du vêtement. Assez science-fiction, tout cela. Sinon, les vêtements d'émotion. OK, les vêtements vous trahiront bientôt. Et les tout nouveaux textiles X-Chrome réagissent à vos sentiments, sautes d'humeur, crises de jalousie, mensonges vis-à-vis vos proches. Tous seront vos états d'âme. Un peu comme un Facebook, finalement, que l'on porte, hein? Tous deviendront absolument transparents à éviter si vous avez des choses à cacher. On a bien sûr le fameux soutien-gorge True Love. On se rappelle, hein, dans la même veine, deux semaines à peu près, la firme japonaise Ravijour venait de lancer un soutien-gorge qui réagit aux sentiments amoureux et votre vis-à-vis, si votre vis-à-vis vous fait vibrer le sous-vêtement, émettra un signal lumineux et s'ouvrira tout seul. Évitez de le porter si votre partenaire de vie vous laisse insensible et il saura tout de vos sentiments. Et attention aussi aux coups de foudre hein, dans la rue ou autre place, autre endroit. Le sac à dos pour cyclistes, conçu par une entreprise sud-coréenne, le Seal Bag avertira les automobilistes et les cyclistes de vos intentions, comme de vous arrêter ou de tourner. C'est un écran LED qui indiquera votre nouvelle direction, vos arrêts, et vous pouvez même transmettre des messages personnels. Donc, c'est finalement avoir un flasher dans le dos ou un indicateur, un indicateur de freinage et tout. Finalement, on devient une voiture ou presque. Et sinon, un sac à dos qui emmagasine l'énergie solaire. Téléphone intelligent, tablette, GPS et iPod ont besoin d'énergie pour fonctionner et on n'a pas toujours ce chargeur à portée de main. Voilà un autre problème résolu grâce au sac à dos CrossCase, muni d'un capteur solaire de 3 watts, d'une batterie de grande capacité et de poches pour transporter vos équipements. Il ne reste qu'à brancher l'appareil. Vraiment très intéressant, ces articles geek de mode. Sinon, un homme ici est filmé en train de se laver les pieds dans un évier de fast-food. Ben moi, à première vue, si c'est juste ça l'erreur, ça me dérange pas tant que ça. De toute façon, si tu vas au fast-food, tu t'attends de manger de la shit, ça c'est clair. Et puis là, ça veut pas dire que ta nourriture est contaminée par les pieds du bonhomme dégueu. Pas du tout, il se les lave dans l'évier. Il marche pas sur les comptoirs avec ses pieds sales. Mais bon, on va aller voir ce qu'il en est. Donc, cette vidéo a fait le tour du web et pour cause, on y voit une personne se laver les pieds dans un lavabo de cuisine d'un établissement de restauration rapide. La direction de l'établissement a tenté de se défendre, mais l'image véhiculée par cette vidéo a tellement pris d'ampleur que ses explications sont à l'image d'une goutte dans l'océan. Les chaînes de restauration rapide ont la fâcheuse habitude d'être sujettes à des rumeurs dont le point essentiel est le manque d'hygiène. Si la photo d'un rein dans un morceau de poulet pané dans un KFC britannique avait énormément fait parler d'elle, ce n'est pas la première fois qu'on découvrait d'étranges images sur l'hygiène des chaînes de restauration rapide. Hein? On se rappelle de cette vidéo où un établissement parisien de la chaîne Quick avait été envahi par des souris. Ici, eh bien, cette vidéo n'est pas directement liée aux produits servis par l'établissement, ni même à l'hygiène des lieux. Cet enregistrement amateur pointe directement du doigt les employés de l'établissement et serait donc eux qui manqueraient d'hygiène, d'après les dires du vidéaste amateur. Et puis, c'est ce que je dis un peu, là. Ça veut pas dire que la nourriture est sale parce que quelqu'un se lave les pieds dans le lavabo. Quand même, ça peut être dégueulasse à voir, je vous le donne, c'est sûr. Mais quand même. Bon, ici, ce dernier a expliqué que la vidéo avait été tournée au sein de l'établissement Dixie Chicken à Birmingham, en Angleterre. On y voit alors, dans les cuisines, un homme en train de se laver les pieds dans un lavabo. Malgré les nombreux commentaires, partages et critiques sur Internet, l'établissement britannique a tenu à s'expliquer et à limiter les dégâts. Selon un employé répondant au nom de Mohamed Hazim, l'homme en question ne serait pas un employé, mais un ami proche du directeur. Selon les dires de l'employé, ce dernier se serait renversé de la sauce et aurait décidé d'utiliser le lavabo pour se les laver. Ce lavabo n'est pas utilisé dans le cadre de la préparation de plats, explique Mohamed Hazim. D'ailleurs, cet employé a souhaité souligner les règles d'hygiène strictes dans cet établissement de restauration rapide. En tant que musulman, nous avons une politique très stricte en matière d'hygiène alimentaire, a-t-il ajouté. C'est ça. C'est pas mal mieux quand même que l'autre qui urinait, mais encore là, même celui qui urinait, et c'est de cette vidéo qu'on parle, eh bien, même là, ça veut pas dire que la nourriture est contaminée, là. C'est ça qu'il y a, là. Hein? Donc, d'aucuns diront que cette vidéo t'a point nommé d'un gérant de train d'uriner. Bon, ben, c'est ça, on en avait parlé. Et puis, ça continue. Il y a plus d'informations. Sinon, ici, je vous parle de la mode hipster. Ça, celle-là est bonne. Elle est vraiment ridicule. C'est la mode hipster. Puis, faut se dire, hein, la mode hipster, ça vient de Montréal. En passant, c'est la capitale des hipsters, Montréal. C'est nous qui avons parti le bal. Ben oui. Boost les implants de barbe. Pour tous les complexés de la barbe, cette information va probablement vous intéresser. Alors que la mode hipster continue son ascension, le docteur Jeffrey Epstein, chirurgien plasticien, vient de nous apprendre que les implants de barbe ont un succès fou depuis quelque temps. Les hipsters de Brooklyn ou les gens qui bossent dans la com ont démocratisé cette barbe mal rasée de quelques jours et en avoir une, c'est être à la mode et être cool. Alors que le nombre d'opérations de ce genre ne se limitait qu'à une poignée il y a 10 ans, le docteur Epstein affirme que désormais, il réalisait 3 implants de barbe par semaine dans ses bureaux de Miami et dans le Midtown East. Ses collègues sont du même avis. Un autre chirurgien plastique du nom de Yael Halas constate une augmentation spectaculaire du nombre de jeunes professionnels âgés entre 20 et 30 ans souhaitant devenir chic ou fashion. Là, en ce moment, c'est correct, c'est à la mode, mais quand ça sera plus à la mode d'avoir la barbe longue, ben, tu vas rester avec un implant de barbe. En tout cas, c'est assez space. Hein? Tout est bien beau là-dedans, mais le coût d'une telle opération flirte les 7 000 $, soit 5 000 €. C'est plus cher que se faire poser des seins. Hein? Si vous voulez le modèle Brad Pitt Scruff ou le négligé Brad Pitt, voire la Tom Selleck moustache, eh bien, il va falloir y mettre le prix. Les modèles George Clooney ou Ryan Gosling sont également très prisés. Par ailleurs, une étude publiée par l'Université de New South Wales en mai dernier a noté que la barbe de 10 jours serait la plus attrayante pour les femmes. Cela montrait un signe de maturité et de virilité. En revanche, la barbe trop fournie est associée à une figure d'autorité et donc est donc pas appréciée. Alors, attention à ne pas faire trop d'implants. Donc, c'est là, ça prend la barbe de 10 jours. Ça, c'est la barbe parfaite. On va essayer ça, voir si les filles vont aimer ça. Hein? Ben oui. C'est nous autres, c'est un peu plus désagréable. Ça pique. Mais par contre, j'aime mieux quand même la barbe que la fameuse moustache du Movember qui est complètement ridicule. En tout cas. Tiens, on va s'en faire une autre. On a le temps et on est là. Ils déterrent 1400 pièces d'or en promenant leur chien. Ça se passe à Los Angeles. En déterrant 1400 pièces d'or d'une valeur totale de plus de 10 millions de dollars, un couple a peut-être trouvé le plus important trésor jamais enfoui et découvert aux États-Unis. Alors qu'il promenait son chien en Californie, eh bien, c'est un groupe de numismates, eh oui, les gens qui aiment les sous, qui représentent les deux inventeurs. C'est les deux découvreurs. Ils n'ont rien inventé. C'est le groupe Cajun qui a précisé que les pièces qui datent de la deuxième moitié du 19e siècle ont été trouvées en avril 2013 dans 8 boîtes de métal et qui sont presque parfaitement conservées. Par le passé, il y a eu des épaves où l'on a trouvé des milliers de pièces d'or en parfait état. Mais un trésor enfoui de ce type, on n'en a jamais vu, a dit David McGarty, expert en numismatique chez Cajun. Le spécialiste a ajouté que le couple, qui souhaite rester anonyme pour éviter que les chasseurs de trésors ne se rendent sur leur propriété de Californie du Nord, s'est prudemment abstenu de nettoyer lui-même les pièces dont ils ont apporté une partie au numismate dans des petits sacs. J'ai pris l'un des sacs, a-t-il raconté, c'était une pièce de 20 $ de 1890, elle était couverte de terre. Un coin de la pièce était à nu et on aurait cru que le métal avait été frappé la veille. C'est-tu pas une belle histoire, ça? On voudrait tous trouver, hein? 1400 pièces d'or. Ça vaut environ 10 millions de dollars ce que ces gens ont trouvé. Hein? Bravo, bravo, félicitations. Hein? La vie change un petit peu quand tu trouves ça. Très énervé, c'est un camionneur qui éjecte une autre voiture en dehors de la route. C'est à voir, c'est en vidéo, c'est sur une autoroute thaïlandaise. Je m'excuse, je ne veux pas avoir de préjugés, mais ça fait très, très ça, là. Il ne suffit d'un rien pour énerver un conducteur, une trajectoire coupée sans avertissement, une queue de poisson, des appels de phare incessants, ou bien encore un autre conducteur qui roule un peu trop lentement. Ceci a été le cas de ce camion, comme on peut le noter dans cette vidéo publiée sur Internet par Spion. Devant lui se dressait donc un véhicule à l'allure très, très lente. Et pour faire comprendre à ce conducteur qu'il était sur la mauvaise voie de circulation pour rouler à cette vitesse, le camionneur va emprunter un moyen pour le moins radical. Cette vidéo a été enregistrée en Thaïlande et comme on peut l'entendre grâce aux voix, eh bien, et aussi qu'on peut le voir grâce aux panneaux publicitaires, la scène se déroule sur une autoroute à 3 voies de circulation. Contrairement aux routes françaises, c'est la voie de circulation de droite qui est censée accueillir les conducteurs roulant à plus grande vitesse. Donc, tout commence alors par le fait que le conducteur de la fourgonnette, avec le visage de Che Guevara à l'arrière, roulait à droite et à très basse allure. Ce dernier gênait la circulation des autres conducteurs qui se trouvaient derrière lui. Un camion a alors décidé de prendre les devants et de le doubler par la gauche, équivalent de notre droite sur les routes. Voyant bien le petit jeu du camionneur, le conducteur du plus petit véhicule va faire semblant de changer de voie de circulation et ainsi bloquer le camion. Il n'en fallait pas plus pour énerver ce dernier. Le petit jeu du chat et de la souris a ainsi perdurer plusieurs minutes. Une fois le camion devant l'autre véhicule, c'est un jeu de zigzag qui s'est mis en place. Un jeu très dangereux par ailleurs, car comme on peut le constater, il y a une grande circulation sur cet axe routier. L'objectif principal du camion est d'empêcher la fourgonnette de le dépasser. Et il va tenir son pari jusqu'à la fin du vidéo.

Donc, sûrement que je ne compterai pas dans le actif. Ensuite, Bill Hewlett a gagné un lancer d'une pièce de monnaie, okay, contre Dave Packard. Et c'est pour ça que la compagnie s'appelle Hewlett-Packard et non pas Packard-Hewlett. OK. Un lancer d'une pièce de monnaie. Ouais. C'est très cool. Comme il n'arrivait pas à se décider, mais je trouve que ça sonne mieux en plus comme ça. Hewlett-Packard que Packard-Hewlett, ouais. Tout à fait. C'est comme, il y a tout le temps, dans un duo ou un couple, il y a tout le temps une meilleure façon de le dire et on sait très bien que l'autre ne marcherait pas. T'sais. Mettons, je sais pas, Tom et Jerry, je dirais jamais Jerry and Tom. Ouais. Boule et Bill. Bill et Boule, ça marche moins bien. Non, ça. Non, c'est ça. Lucky Luke. Lucky Luke. Exactement. Luke Lucky. Exactement. Mais tu sais, mettons entre Jean-Philippe et Mathieu, ouais, ça sonne mieux Jean-Philippe et Mathieu que Mathieu et Jean-Philippe. Ouais, ouais. Il y a un petit accrochage entre Mathieu et Jean-Philippe. Exactement. Que Jean-Philippe et Mathieu. Au départ de l'histoire d'Assemblage Requis, tu te rappelles? Oui. Dans le temps, l'émission s'appelait Kiwan et Mathieu, des petits points Assemblage Requis, parce que Kiwan et Mathieu, ça sonne mieux que Mathieu et Kiwan. Ouais. C'est comme ça. Ça doit être juste parce que. C'est une question de phonétique. De phonétique. Tout simplement. C'est exactement ça. La langue est très importante là-dedans. Entre nous deux, la langue est très importante, Mathieu. Tout à fait. Tout à fait. Et parlant de ça, parlant de langue, hein, tu sais, la langue, des fois, ça peut aller où? Il y a une nouvelle application iPhone qui s'appelle Condom Size qui permet aux gars de se mesurer. C'est vrai. Et ça vient avec un tableau de classement pour savoir comment t'es par rapport aux autres dans la longueur de ton entrejambe masculin. OK. C'était ça le lien avec la langue. Oui. Excuse-moi, c'était une blague de blowjob. Oui. Ça finit de même. Ah ouais, t'as ça? Ouais. Condom size. OK. C'est ça. C'est-tu gratuit? Je sais pas. Je suis pas allé télécharger. Mais soudainement, tout le monde lève son iPhone en même temps. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Pourquoi les œufs de poule ont-ils une forme ovale? Au plat, la coque dure ou en omelette, les œufs de poule sont des aliments essentiels et riches en protéines. J'avais dit, c'est de la bouffe. Ils se distinguent aussi par leur forme ovoïde. Hein? Valable aussi pour les autres oiseaux et les reptiles, les poissons, les amphibiens ou encore les insectes en font des ronds, mais plus petits. Cet aspect est donné au moment de la ponte, car l'œuf passe par un organe, l'oviducte, qui se détend pour faire sortir l'œuf et puis ensuite se contracte au moment de son expulsion. La forme ovale des œufs est également indispensable pour la survie de certaines espèces ovipares. Dans le cas des oiseaux, notamment, cette forme permet en effet aux œufs de rouler vers le centre du nid après la ponte afin de rester à l'abri des prédateurs. Donc, c'est vraiment par l'organe d'où ça sort, ça l'écrase le bout. Et c'est ce qui fait que les œufs ne sont pas complètement ronds. Hein? C'est-tu pas assez extraordinaire? Ici, je vous parle de Taking Angela. Talking. Hein? Le jeu de mots qui aurait pu passer. En tout cas, vous allez voir le reste. Taking Angela, ça aurait été moins cool dans l'histoire. Talking Angela, c'est une application qui est accusée de pédophilie. Je connais pas l'application. Le titre m'a quand même accroché, donc on va aller voir. Parce que depuis quelques jours, semble-t-il, une rumeur circule sur les réseaux sociaux. Une application pour enfants serait contrôlée par un réseau de pédophiles. Une information démentie par la police française. Donc, mardi 25 février, une rumeur qui circule depuis plusieurs jours sur Internet. L'application Talking Angela, créée par la société britannique de divertissement Outfit 7, n'est pas manœuvrée par un réseau de pédophiles. Aucune de nos équipes n'a reçu de plainte à ce sujet, indique le site du ministère de l'Intérieur qui explique avoir contacté l'éditeur et conclure que l'utilisation de cette application ne présente aucun risque et que chacun peut jouer avec en toute sécurité. L'application lancée en France en janvier dernier vient de rentrer dans le top 10 des applications les plus téléchargées destinées aux enfants. Elle permet de discuter avec une chatte blanche prénommée Angela et âgée de 18 ans au corps et à la voix ressemblant à ceux d'une femme. Différentes interactions sont possibles, lui offrir des cadeaux. Attention, cette fonctionnalité est peut-être payante. Toucher son pelage, discuter avec elle. La rumeur a démarré aux États-Unis avant de s'étendre aux utilisateurs français des réseaux sociaux. Elle affirme que les questions posées par l'avatar permettraient en fait de récolter une grande quantité de données. Pire, la fonctionnalité utilisée pour détecter les expressions du visage et entraîner une réaction d'Angela espionnerait les enfants à leur insu, prenant même des photos et des vidéos. Autre élément de suspicion souligné par le blog Big Browser, l'application possède deux autres modes, un mode adulte et un mode enfant, entre lesquels on passe très simplement sans aucun contrôle demandé aux parents. Dans le mode pour enfants, l'animal répète ce que dit l'utilisateur, ne pose pas de questions sur l'identité et reste plutôt innocent. Dans le mode le mode adulte. En revanche, Angela demande l'âge et le nom de la personne et lui pose entre autres des questions sur ses relations amoureuses. Par exemple, Angela peut vous conseiller pour faire une sortie ou vous échanger vos vêtements. Hein? Attends. Pour faire une soirée où vous échangez vos vêtements avec votre petit copain ou encore vous raconter son premier baiser. Peu approprié pour les plus jeunes. On peut comprendre. Sur Facebook, la page intitulée Talking Angela, créée par un pédophile, compte près de 2300 j'aime. Et là, les internautes, ils partagent, comme sur Twitter, des captures d'écran ridicules, mais complètement hallucinées, des yeux de l'avatar sur lesquels ils croient apercevoir des visages d'hommes ou des silhouettes d'enfants. Ce qui est ridicule, vous irez voir, c'est rien. C'est vrai. Comment faire une nouvelle avec absolument rien? D'autres voient une confirmation de leurs craintes dans les conditions d'utilisation de l'application. Ça, par contre, les conditions sont assez particulières, vous allez voir. On nous dit, permet à l'application, tu sais, quand on accepte d'installer l'application, il dit, permet à l'application d'accéder aux fonctionnalités d'appel du téléphone. L'application peut alors déterminer le numéro de téléphone et le numéro de série de l'appareil, savoir si un appel est en cours ou identifier même un numéro appelé. Et la prise de photo, l'application permet à l'application de prendre des clichés avec l'appareil photo. Cette fonctionnalité permet à l'application de récupérer à tout moment les images perçues par l'appareil. Donc, ça, j'avoue que c'est assez plate comme condition et qu'on doit accepter, mais ça, sérieux, si vous voulez pas accepter de conditions de merde comme ça, ben vous pouvez pas installer aucune application dans votre téléphone et ni sur Internet, ni sur Facebook. Hein. Donc, aucune donnée n'est partagée. Les dirigeants de Outfit 7 se défendent de ces accusations. Bien sûr, c'est un canular, martèle-t-il au Guardian. Un hacker pédophile se cacherait-il derrière le personnage d'Angela, même si on peut facilement croire que l'on est en train de parler à une personne lorsqu'on prête un peu plus attention. Chacun peut se rendre compte que ce n'est pas une personne. De l'autre côté de l'écran, vous tenez simplement une conversation semi-intelligente, comme si vous jasez avec Siri. Hein? La société précise sur son site Internet que si Angela demande le nom et l'âge de l'utilisateur, c'est dans le seul but de déterminer les sujets de discussion les plus appropriés et d'optimiser le contenu de l'application. Outfit 7 insiste également sur le fait que les données relatives à la discussion avec Angela sont rendues anonymes et ne peuvent pas être agrégées pour adresser à des profils particuliers. Aucune donnée personnelle n'est partagée à un tiers, soutient la société, qui affirme que certaines données relatives à la discussion sont même supprimées par l'application et ne sont jamais envoyées à l'entreprise. Ces arguments ont convaincu la police française qui demande aux parents de rassurer les plus jeunes concernant cette application, ce qui ne doit pas, rappel de Guardian, faire oublier aux parents de se tenir au courant des applications utilisées par leurs enfants ainsi que leur fonctionnement. Faites-vous votre idée, mais il faut vraiment voir le mal partout pour être aussi paranoïaque. Ça, c'est clair. Et comme j'ai dit tantôt, je comprends là, d'accepter les conditions d'utilisation, tout ça, mais c'est parce que si vous acceptez pas celle-là, vous allez faire quoi? Parce que toutes les applications qu'on installe nous demandent à peu près de leur donner notre vie. Fait que c'est comme fermez votre téléphone. Puis surtout, meilleur conseil encore, faites lâcher vos iPads puis vos téléphones ou même n'achetez pas des téléphones puis des iPads à vos enfants. Peut-être ça va être ça le meilleur des trucs. Hein? Faites-les jouer dehors. Ça existe encore, aller jouer dehors. Ben oui, c'est vrai, on avait oublié. Sur ce, eh bien, on va aller en musique hein, parce que c'est complètement ridicule. On va aller avec un segment des 1001 chansons à avoir entendues dans sa vie. Et on y va comme suit. On va parler de la formation Fairport Convention. Pardon, mon anglais est à chier en ce moment. La pièce, c'est She Move Through the Fair. Et donc, l'auteur traditionnel, c'est Padraig Colum. La production, c'est chez John Boyd. Le label, c'est sur Iceland Record. Et l'album, c'était What We Did on Our Holidays, qui est sorti en 69. Quand en 69, pour la petite histoire, la chanteuse folk Sandy Dennis s'est jointe à Fairport Convention, sa connaissance du répertoire anglais traditionnel a encouragé le groupe à s'éloigner du folk américain pour retrouver ses propres racines. Cette nouvelle approche s'est matérialisée avec l'album What We Did on Our Holidays chez Island. Cet album comprenait She Moved Through the Fair, synthèse parfaite de l'ancien et du moderne. La chanson reposait sur un air irlandais que Simple Mind reprendra ultérieurement dans Belfast Chilled et recueilli au début du 20e siècle par le musicologue Herbert Hugh et le poète Padraig Colum, lequel a légèrement transformé les paroles avant de déclarer en être l'auteur. L'air en question a été largement diffusé dans les années 60 grâce à un certain nombre d'enregistrements, dont ceux de Anne Brigg et David Graham. La version de Fairport Convention est très différente des précédentes. La voix cristalline de Dennis domine l'ensemble, bien évidemment, mais le fond de sonorité éthérée et psychédélique transforme cette simple complainte en un univers sonore mystérieux. Bien en accord avec les paroles, l'arrangement en grande partie dû à Denny, privilégie son propre accompagnement à la guitare acoustique ainsi que la ligne de basse excentrique d'Ashley Hutching, alors que la mélodie les survole pratiquement inaltérée. Cette capacité à insuffler une vie nouvelle dans un matériel traditionnel donne le nom des productions futures de Fairport et assurément le meilleur groupe, qui est assurément le meilleur groupe de folk britannique. On s'en va avec plaisir redécouvrir cette pièce « She Moved to the Fair » dans le segment des mille et une chansons à avoir entendues dans sa vie. On s'en va écouter « Fairport Convention ». depuis hier, on parlait de Big Mango qui a été volé, une mangue de 10 mètres en Australie. Eh bien oui, c'est le vol de cette structure de 10 mètres qui fait parler tout le monde. La disparition donc lundi de cet édifice assez kitsch en fibre de verre à l'entrée de Bowen, capitale de la mangue dans l'état du Queensland, a défrayé bien sûr la chronique, on en a parlé ici, et suscité la création d'une page Facebook pour aider à la retrouver. Mardi, ce vol insolite s'est révélé être un canular orchestré par une chaîne de restauration rapide spécialisée dans le poulet. La disparition de Big Mango a fait pas mal de bruit et nous confessons que Nando était derrière le déménagement de cette attraction touristique de 7 tonnes. C'est ce qu'a déclaré l'enseigne sur son site Internet. Nando voulait remercier les gens de Bowen de se montrer fair play à notre égard après cet emprunt de leur jolie mangue. La chaîne de restauration a ajouté que les raisons de cette blague seraient bientôt connues et que la mangue serait remise à sa place. La Big Mango, inaugurée en 2002, avait été visiblement dérobée lors d'une audacieuse opération avec des grues et des engins de chantier. Le fait que la police ne se mobilise pas sur cette affaire avait mis la puce à l'oreille des habitants. Mardi, l'un d'eux avait appelé le groupe des médias ABC pour dire que la mangue se trouvait dans la campagne derrière le bureau de l'Office du tourisme à deux pas de sa place habituelle. Un peu partout en Australie, des fruits géants, ben ça j'en avais parlé. C'est bien. On va en avoir plus de suite. Nos journalistes restent sur le terrain. Et ici, on parle de cette institutrice qui a été arrêtée mercredi dernier en Floride. Elle est accusée d'avoir forcé un de ses élèves, âgé de 10 ans, à nettoyer un urinoir à main nue. Bien sûr, l'affaire fait scandale. Que s'est-il donc passé le 11 février dans la tête de Jennifer King Forshe, une institutrice de 58 ans, excédée par des problèmes récurrents, le mot récurrent ici, d'urinoir bouché dans son établissement. Elle a forcé l'un de ses élèves, un garçon de 10 ans, à intervenir à main nue. Persuadée que l'enfant s'amusait à obstruer l'évacuation à l'aide de tampons de papier hygiénique détrempés, elle lui aurait ordonné de réparer lui-même les dégâts qu'il aurait occasionnés. L'élève n'a pas eu d'autre choix que d'obéir. Pas de savon, l'opération s'est révélée particulièrement écœurante. Après avoir tenté de se préserver en vain un contact direct, il n'a pas eu d'autre choix que de prendre à pleine main le bouchon détrempé par l'urine de ses camarades. Détail supplémentaire, les sanitaires étaient dépourvus de savon, si bien que l'enfant a dû se rendre au bureau du proviseur pour essayer de trouver de quoi se débarrasser de l'odeur infecte qui émanait de ses mains. La version de la prof, elle, c'est après une courte enquête, Jennifer K. Forshe a été arrêtée par la police mercredi 19 février et incarcérée provisoirement dans la prison du comté. Elle devra répondre de ses actes devant les juges. Libérée sous caution, elle explique qu'elle a simplement demandé à l'enfant de déboucher l'urinoir par quelque moyen que ce soit, sans avoir précisé que l'opération devait impérativement se dérouler à main nue. OK, mais le jeune est seul dans une toilette. Il n'y a pas d'outil pour nettoyer, puis c'est comme arrange tout pour des bouts. Tu sais, come on, hein? Aïe. Bon. Sinon, ici, on parle de technologie. C'est les nouveautés du Galaxy S5 de chez Samsung. Premièrement, un capteur cardiaque, le smartphone mieux que le médecin. C'est en tout cas le pari de chez Samsung qui a mis l'accent sur la santé pour se démarquer de ses concurrents. À commencer par Apple, les consommateurs veulent du design et de la performance, une caméra simple et puissante, une connectivité rapide et transparente, un appareil qui les aide à rester en forme. C'est ce qu'affirme le patron de la division de chez Samsung, G.K. Singh. Le nouveau Galaxy S5 dispose ainsi d'un capteur destiné à compter le nombre de pas de son propriétaire ou encore son rythme cardiaque. Le fabricant coréen a ainsi décliné la technologie utilisée pour les bracelets intelligents. Pour activer le capteur, il suffit de laisser son doigt appuyé sur une diode placée derrière l'appareil qui capte les pulsations cardiaques de la main. Aussi, on y intègre finalement le lecteur d'empreintes digitales. Apple l'avait distancé sur ce terrain, ce qui est rare. C'est rare qu'Apple est le premier dans quelque chose. D'habitude, Apple est dans la stabilité, mais non dans l'innovation. Sur ce terrain en septembre, donc Samsung réplique le coréen intégré à son Galaxy S5, un lecteur d'empreintes que l'on active en faisant glisser son index ou son pouce sur le bouton central de l'appareil. Ce système de reconnaissance digitale permet d'abord de déverrouiller le smartphone, mais aussi d'effectuer des achats sécurisé depuis son mobile ou de sécuriser des dossiers. Les mouvements permettent notamment de valider un achat sur PayPal, nouveau partenaire de Samsung. Ça, c'est très, très hot. Je trouve pas ça hot dans le sens que je vais l'utiliser tout le temps, mais oui, ils vont se faire une place avec ça parce que les gens veulent que ça soit simple de payer. Juste sortir une carte de crédit, ça les dérange. Leur téléphone, ils l'ont tout le temps dans les mains. Ils vont pouvoir tout payer avec ça. Enfin, Samsung a travaillé sur la résistance, une protection contre l'eau et la poussière. Donc, pour faire durer son nouveau smartphone, plus besoin de paniquer si vous le faites tomber dans la piscine ou bien sûr les fameuses toilettes. Le Galaxy S5 comporte un système d'étanchéité à l'eau et une protection contre la poussière. Cette caractéristique existait déjà sur son Galaxy S4 Active, mais c'est la première fois qu'un produit phare en est équipé. Donc, enfin, Samsung a amélioré les autres spécificités de la gamme Galaxy en proposant un meilleur appareil photo ou encore un écran plus grand qui s'adapte à la luminosité ambiante. Côté écran, ben, on avait un 3 pouces, je pense, puis là, on est avec 3,1 pouces, donc on n'a pas changé beaucoup. Mais sinon, pour le reste, je pense que c'est très, très bien. Et puis, ben, Samsung va continuer de voler très haut. On est sûr de cela. Et puis, tiens, il est 11h26, on va continuer. On va aller parler ici de tapisserie, mais je voulais un autre nom que je cherche, mais en tout cas, peu importe. Au Moyen-Âge, on tissait parfois de longues tapisseries brodées pour raconter de grands événements comme la conquête de l'Angleterre par Guillaume de Normandie. Une sorte de rétrospective Facebook, mais analogique, si on veut. Ça, c'est très geek, hein? Récemment, c'est l'artiste Aled Lewis qui a réalisé le même genre d'œuvre pour raconter sur 10 mètres de tissu toute la saga de chez Star Wars, même la trilogie de préludes que l'on ne saurait nommer. C'est quand même pas mal. Si ça vous intéresse, sachez que l'œuvre est en vente au prix de 20 000 $ US et qu'elle ne doit pas être lavable à la machine. Ridicule. Tiens, on va se faire ça, cette petite nouvelle qui me fait penser à Saturnin. Eh bien oui, une voiture conduite par des poissons rouges. Voici Fish on Wheel. C'est un projet de studio D-Hip, une firme de design néerlandaise où quelqu'un craignait que les poissons rouges de son bureau ne s'ennuyaient en regardant même le même décor toute la journée. OK, c'est parce qu'il voulait désennuyer ses poissons. La firme a donc conçu une voiture électrique que les poissons peuvent conduire pour se promener un peu partout. Le bocal des poissons est intégré à la voiture et est doté d'une caméra qui analyse la position des poissons dans le bocal et oriente ainsi la voiture en conséquence. Espérons qu'un savant fou n'aura pas l'idée de créer une version géante de ce véhicule pour permettre à un requin ou à un genre de Sharknado de nous poursuivre jusqu'au chalet. Hein? Oui, ça pourrait être vraiment très, très dangereux. Et puis, on se fait tout ça. Oui, on va se la faire, ça va être fait. Après, on s'en ira en pause publicitaire. Je vous fais le top 7 des applications pour draguer. Ben oui, si vous êtes célibataire ou pas, hein, les rencontres et la cruise mobile vous intéressent, que ce soit pour le grand amour ou pour l'aventure d'un soir, il y en a pour tous les goûts. Je vous propose ici les 7 applications gratuites et populaires pour draguer. Il est possible, dans certains cas, d'obtenir des fonctionnalités avancées lorsque vous achetez la version pro. Ben, c'est comme dans toutes les applications. Hein? Premièrement, celle qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler à Sochi, Tinder, sans aucun doute la plus populaire des applications de drague. Simple comme tout, il suffit de configurer ses préférences en indiquant le sexe, l'âge et le rayon géographique afin de te trouver des prospects intéressants près de vous. Tinder s'occupera du reste en vous envoyant des photos de candidats correspondant à vos préférences. Votre boulot est d'indiquer par cœur ou par une croix si la personne sur votre écran vous plaît ou non. Si deux utilisateurs se marquent mutuellement d'un cœur, ils pourront ensuite connecter ensemble. Hein, c'est assez simple. Badou, très populaire sur le web, Badou a maintenant une application mobile qui offre un service de géolocalisation qui permet de trouver d'autres membres à proximité. Comme pour le site, il suffit d'indiquer ses intérêts, de mettre sa photo et d'échanger avec des gens qui nous intéressent. Le menu principal de Badou offre la liste des personnes en ligne à proximité, mais aussi le choix d'un profil au hasard selon les intérêts communs. Un bon intermédiaire de discussion avant la grande rencontre. Sinon, l'application Grindr aussi, qui a fait parler à Sochi, destinée aux hommes gays, bisexuels et bicurieux, Grindr est disponible dans 192 pays avec son service de géolocalisation. Cette application localise pour vous tous les candidats potentiellement intéressants selon ce que vous avez indiqué dans votre profil. Vous pouvez aussi faire des recherches personnalisées qui vous permettront de faire d'agréables rencontres, semble-t-il. On a Brenda. Brenda, c'est l'équivalent pour les femmes lesbiennes, bisexuelles et bicurieuses de Grindr. L'application offre même les mêmes options de soit la géolocalisation, les photos, les profils, les intérêts et permet de voir qui a visité votre profil. Profil, oui. Il est possible de verrouiller l'application pour éloigner les voyeurs, de vous reconnecter où bon vous semble. Ah, c'est. Mais pourquoi qu'il n'y a pas ça chez les hommes? C'est ce que je trouve un peu plate. Hein? On a beaucoup de discrimination, qu'elle soit positive ou négative. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et pas tout le temps envers le genre qu'on pense. Hein? Il est possible de verrouiller donc l'application pour éloigner les voyeurs et de vous reconnecter comme bon vous semble n'importe où dans le monde. Ah, vous pouvez disparaître puis réapparaître au Japon. L'application Down. Anciennement appelée Bang with Friend, l'application Down est reliée à votre compte Facebook et vous permet d'identifier dans votre liste d'amis ceux avec qui vous aimeriez avoir une relation sexuelle. Si l'autre ami a mentionné son intérêt envers vous via l'application, vous aurez tous les deux un message privé. La suite, eh bien là, elle vous appartient. Discrétion garantie. Pas sûr, moi. Il n'y a pas grand-chose sur Internet et puis en ligne qui permette la discrétion garantie, je pense. Sinon, Meet Me, autre application utilisée, elle, par plus de 90 millions de personnes. Meet Me vous indique les personnes près de vous disponibles pour discuter. Plusieurs fonctions s'offrent à vous pour vous permettre de rencontrer des gens selon les critères bien précis. Lorsque vous activez l'application, vous serez alerté si quelqu'un près de vous désire échanger. Hein? Ah, c'est-tu facile la drague désormais? On n'a même plus besoin d'avoir du guts. N'importe quel loser à cette heure peut draguer. Keep. Donc, Keep offre une façon amusante de rencontrer de nouvelles personnes par le biais de photoblogs, de jeux interactifs et de défis rapides. Vous entrez en contact avec des gens qui ne se prennent pas au sérieux, que ce soit pour une discussion spontanée ou un flirt. Keep vous permet de mettre toutes les chances de votre côté pour rencontrer l'amour. OK. Et finalement, Zoosk, utilisée, elle, par plus de 25 millions de personnes dans le monde. Zoosk vous offre de chercher l'amour par le biais de leur système Behavioral Matchmaking, qui s'occupe de vous trouver le partenaire idéal selon vos intérêts communs. Vous pourrez également payer pour profiter de fonctionnalités plus avancées telles que le service de clavardage illimité, la mise en relation avec les candidats potentiels et un aperçu plus détaillé des profils. Avec ça, ben là, tous les losers vont réussir à coucher ce soir, si vous voulez. Il faut toujours vouloir. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cestfou.ca. Assemblage requis. Le lundi matin, on aime ça parler de la lutte qui a lieu le soir même. Tonight is the night, oui. Comme toujours. Et on reçoit Alexandra Carignan. Voici dans les coulisses de la lutte. Je pense qu'Alexandra, tu vas t'habituer à faire de la radio deux fois par semaine parce que ça fait deux semaines de suite que tu te présentes le lundi et le mardi. Quand même, j'étais sûr qu'il était correct. J'étais sûr. Mais oui, ça fait deux fois que je fais ça. Ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus. La semaine passée, on l'a reçu avec Philippe Grenier et un joueur. Oui, William Senville. Oui, c'est ce que j'allais dire. Merci de faire honte en pensant que je ne l'avais pas dans la tête. Non, en tout cas. Et ensuite, ta collègue de Temps d'une culture qui est le mardi. On fait la même chose cette semaine. Ben oui, je vais être là encore demain matin. Je me lève pour vous, auditeurs. T'es ah, non, c'est ça, tu vois, elle précise. Pas pour nous, les animateurs. Non, c'est pour les auditeurs. L'animateur, il oublie d'ouvrir le piton. Ben c'est oui, normal c'est ça. C'est normal que je ne me lève pas pour toi. À chaque fois. Mais non, la semaine passée, j'étais là pour la Coupe Trois-Rivières. C'est vrai. D'ailleurs, on a gagné. Yeah. Et là, quand je dis on, c'est pas la lutte. Parce non. que moi, je suis dans la lime. C'est un peu confus. Là, c'est confus. Oui, il y a confusion. Il n'y a plus personne qui comprend. Oui, c'est alors, ça. Je l'ai mentionné. Je suis dans la lime, on a gagné. Bravo. Mais la lutte finit bonne deuxième. Là. OK. Sur trois. Ben non, mais elle a quand même battu les anciens combattants. C'est ça. Qui sont des anciens de la lime. Donc, vous avez, ouais. vous avez battu la lime aussi. Dans le fond. La lime a battu la lime. Quand on y pense.

savoir avancer. Diviser, multiplier, même si on risque d'effacer. Presser de ne pas oublier. Tant arracher, cracher, cache à penser à son passé. C'est passé, passe avec des choses à régler. Obligé d'abandonner, de torturer, de tempérer, de menacer, d'effacer. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. On va aller parler bouffe. Je vous propose 11 restaurants différents pour une expérience unique à Montréal. Ben oui, on n'a pas un top de Trois-Rivières parce qu'on n'aurait pas grand-chose d'intéressant. En tout cas, hein? Non, mais quand même, côté culinaire à Trois-Rivières, côté épicerie, ou ben, épicerie, étrangement, je dois faire un petit recul là-dessus. À Trois-Rivières même, côté épicerie, on est quand même pas si pire quand on voit ce qu'il peut y avoir de la sécheresse en région, là. Tu sais, si on fait juste aller vers, je sais pas moi, Louisville ou vers Nicolet ou des places de même, OK, on se rend compte que finalement, à Trois-Rivières, oui, nos épiceries ont de l'allure. Mais si on s'en va vers des épiceries un petit peu plus fines ou exotiques, là, on a quand même un petit problème. Et côté bouffe, c'est un peu la même chose. Hein? Si vous voulez manger du grec, de la pizza puis des hot dogs à Trois-Rivières, on est correct. Mais si tu veux aller vers autre chose, là, c'est assez difficile. Il y a un ou deux restaurants asiatiques qui sont potables. Est-ce que c'est bon, le restaurant? Il y a un restaurant marocain, là, Baraka, je pense. J'ai jamais été. C'est-tu bon? Autre restaurant comme ça. Si vous avez des informations, et puis je le lance vraiment... venez inscrire sur la page Facebook du Dîner de cons des bonnes adresses, des bonnes tables. Parce que j'ai été déçu plus d'une fois. Et je nommerai pas les restaurants qu'il faut pas aller, parce que je suis pas là pour faire de la mauvaise publicité, mais bon, quand même. Là, on va se faire un top 11, et là, on blessera pas personne. On s'en va parler de Montréal. Premièrement, si vous avez le goût d'une ambiance médiévale, eh bien, l'Auberge du Dragon Rouge, un incontournable. Si vous avez un appétit gargantuesque, le maître queue, Lire cuisinier, propose une combinaison d'éléments inspirés de la cuisine médiévale et du Nouveau Monde. Personnel et costumé, troubadour et ambiance unique, on y mange avec les mains. Hein? Donc, pour être bien ruste. Rustre. Donc, l'autre enseigne, le restaurant Au Noir. Donc, on mange dans le noir. Pour une expérience sensuelle unique, deux restaurants vous proposent d'évoluer et de manger dans le noir. Privé d'un élément important, la vue, vos sens seront en alerte et vous pourrez ainsi mieux savourer l'arôme et le goût de la nourriture. Au surplus, vous serez sensibilisé au quotidien des personnes aveugles. Oui, tout à fait. Il y en a un au noir sur la rue Sainte-Catherine-Est et un sur la rue Sainte-Catherine-Ouest. Donc, vous ne vous tromperez pas, rendez-vous sur Sainte-Catherine. Tantôt, l'Auberge du Dragon Rouge, c'est sur la rue La Jeunesse, 88-70 rue La Jeunesse. Sinon, autre restaurant assez particulier, c'est le Balcon. C'est un restaurant cabaret musical du Vieux-Montréal qui propose une cuisine fusion inspirée des saveurs du monde et de fabuleux tapas. Le goût, le tout est agrémenté d'un spectacle, ou d'une soirée dansante. Les vendredis et samedis, on y reçoit de nombreux artistes en plus de proposer des soirées thématiques et quelques soirées sont également offertes le jeudi. Donc, piano bar, piano à queue, le balcon pour une ambiance feutrée. Sinon, pour une ambiance jazz, la maison du jazz, on peut dans la même veine, mais dans une ambiance complètement jazzée. Et puis, le décor est jazzé. Il y a de la breloque partout, il y a des affaires partout. C'est rempli, c'est hallucinant. Donc, de formule bistrot, on y sert de la cuisine barbecue et cajun, des burgers et des salades. Donc, une cuisine sûrement un peu inspirée de la Louisiane, etc. Au fil des ans, le resto est ouvert depuis 1980. L'établissement s'est taillé la réputation d'être la mecque du jazz. Alors, si vous aimez le jazz et les ambiances, moi, je vous dirais psychédélique, parce qu'il y a un côté psychédélique dans tout ça. Sinon, on peut aller, si vous aimez le côté plutôt oriental, si vous aimez Alibaba, justement, la couscoussière Alibaba, c'est de la cuisine maghrébine, un décor unique, une ambiance unique pour un voyage au Maroc à peu de frais. L'établissement est très fréquenté, ce qui ajoute à l'atmosphère. Couscous, tagine, briques et baklava sont au menu. En plus, vous pouvez apporter votre vin, ce qui a souvent un impact positif sur la facture et sur l'ambiance. Par contre, hein, vous le savez, un endroit où c'est apporter votre vin, il ne faut pas s'attendre à avoir le silence et manger dans la quiétude et dans la relaxation et la zénitude. Non, une ambiance avec apporter votre vin d'habitude, ça fait une ambiance apporter votre vin, vous comprenez tout à fait. Sinon, autre restaurant à Trois-Rivières, la Couscoussière, c'est sur la rue Amherst à Montréal. Sinon, autre chose complètement différent, eh bien, c'est on peut aller manger sur le bateau mouche souper et croisière, un resto saisonnier, mais très apprécié pour un souper croisière inoubliable en saison. Le menu est signé Louis-François Marcotte. 6 formules de repas vous y sont proposées avec un arrière-plan assez exceptionnel, le décor urbain de la métropole, de mai à octobre que c'est disponible. Vous n'avez que vous rendre sur... inscrivez bateau mouche, souper et croisière sur Google. Et puis, vous allez trouver. Vous allez vous rendre au quai Saint-Jacques pour embarquer sur ce bateau. Sinon, autre restaurant assez sympathique, Atame ou Atam, c'est comme vous voulez. Cocktail et mets aphrodisiaques se trouvent sur la carte de ce restaurant lounge et galerie d'art. En plus du menu, on y retrouve entre autres des spectacles burlesques et des spectacles de danse. Plusieurs rideaux procurent plus d'intimité aux convives et on cherche ici à reproduire l'ambiance sexy du Moulin Rouge à Paris, semble-t-il. Donc, c'est le Atame. C'est sur la rue Duluth-Est, le 351 rue Duluth-Est à Montréal. Sinon, autre ambiance, une ambiance de cuisine nomade. C'est intriguant. Le fait que le restaurant propose un tour du monde culinaire dans une atmosphère saharienne, le Moyen-Orient et l'Afrique dans votre assiette. Appréciez les tables. Oui, ça, c'est intéressant. Donc, vous pouvez manger et apprécier manger sur des tables basses, les parfums qui se dégagent de la cuisine et tout ça à un prix plus que raisonnable. Ça s'appelle la Caïma. La Caïma est sur l'avenue 142 avenue Fairmont Ouest à Montréal. Sinon, autre restaurant tout à fait différent, le restaurant Trip et Caviar. Oui, vous avez compris, Trip et Caviar. Difficile de passer à côté de cette adresse, Dani. Des abats et des parties souvent délaissées des animaux se transforment en véritables mets gastronomiques qui vous feront saliver. Des exemples, os à la moelle, cervelle popcorn, langue de veau, tête de saumon et queue de bœuf. Cœur sensible, s'abstenir. C'est ouvert du mercredi au dimanche et situé au 3725 rue Wellington à Montréal, Trip et Caviar. Sinon, le Rasputin. Propose, lui, des plats traditionnels russes et d'Europe de l'Est. Il se trouve sur la carte, justement, une carte à découvrir au surplus. De nombreux immigrants d'origine russe s'y retrouvent pour un repas entre patriotes, ce qui témoigne de l'authenticité de ces plats. Hey, j'ai faim, moi, là. Je regarde les photos, puis là, je salive, j'ai la bouche pleine d'eau. De plus, la musique traditionnelle est à l'honneur. Donc, le Rasputin pour une cuisine russe et de l'Europe de l'Est au 617 boulevard Descaries à Montréal. Et finalement, un des favoris de la personne qui a fait ce top, eh bien, c'est le poisson et le guacamole. Ils sont à tomber. L'atmosphère est plus traditionnelle et la cuisine est péruvienne. On y sert littéralement OK, non, la cuisine péruvienne qu'on y sert vous transporte littéralement dans ce pays. Profitez-en pour déguster un cocktail à base de pisco, qui est la boisson nationale du Pérou. Je vous nomme, c'est le pâté palo. Donc, c'est pour une cuisine péruvienne au 1376 rue Bourbien Est à Montréal. Hein? C'était vraiment très, très, très intéressant et puis ça donne vraiment faim. On va se faire une autre petite pause. Non, pas une autre pause, une autre petite nouvelle. Et puis après, on va aller vers une pause musicale avec la charmante Clo Pelgag. On parle de Star Wars, non? Je vous parle pas de la tapisserie, ça c'est fait. Je vous parle de ces décors qui risquent finalement de passer du côté obscur. C'est une dune géante qui menace d'engloutir totalement le site utilisé pour tourner la menace fantôme en Tunisie. On avait parlé la saison dernière, on nous disait que c'était un endroit vraiment intéressant et que ça coûtait à peu près rien aller visiter ça. Mais là, c'est menacé par le désert. Hein? Ce n'est pas dans une galaxie lointaine, ni très très lointaine, et la menace n'est pas fantôme. Le site tunisien ayant servi pour les décors de la planète Tatooine, où Anakin Skywalker, futur Dark Vader, Darth Vader, Danny, c'est parce que là, on est sur une nouvelle française. Les autres, ils disent Dark Vader. Donc, le futur Darth Vader a grandi pourtant là-bas, et elle pourrait totalement disparaître avant la fin de la décennie. D'ici 5 ans, précise même un chercheur américain de l'université Johns Hopkins. En cause, c'est l'avancée d'une dune de sable de 90 mètres de long qui se déplace d'une quinzaine de mètres par année. Donc, l'ensevelissement des habitations troglodytes n'est pas nouveau. Il a débuté dans la foulée de la sortie du film La menace fantôme en 99. Le piétinement des touristes, quelques 100 000 par année, permet de retarder le processus, mais la force de la nature est plus forte quand même. Donc, intéressant que les touristes empêchent un peu et retardent le processus, mais c'est quelque chose qui va quand même arriver. Alors, c'est ça. Bien triste, dépêchez-vous d'aller en Tunisie si vous voulez aller visiter ces petites habitations troglodytes. Et je pensais en faire une dernière. On en fait une, là. Tiens, une dernière. C'est en vidéo. C'est un avion qui percute un oiseau et qui crée la frayeur dans les airs. Les images sont vraiment à couper le souffle et ça fait peur, pour vrai. Donc, c'est un oiseau qui s'est écrasé sur le pare-brise d'un avion en plein vol ce week-end à Fort Myer en Floride. Rob Weber, le pilote, avait décidé de sortir de son Piper Saratoga de 86. Temps calme et soleil au rendez-vous. Bizarre. Lorsqu'il atteint une vitesse de croiseur de 270 km, un oiseau percute littéralement son pare-brise, faisant exploser la vitre. Sur la vidéo, on distingue même les lunettes de Rob Weber volées en éclats. Le pilote interviewé par la chaîne de télévision Fox News a déclaré qu'il n'avait rien vu venir. Fort heureusement, il a su garder son sang-froid pour atterrir sans grande difficulté. Il a retrouvé la carcasse de l'oiseau entre les sièges de l'avion. Une dizaine de personnes meurent en moyenne chaque année à travers le monde dans des accidents de ce type. Selon le comité des attaques d'oiseaux, le pilote qui, lui, a justement été légèrement blessé au front, c'est peut-être le T-shirt d'Angry Bird qu'il portait à ce moment-là qui lui a porté chance. Petite joke inutile, mais bon, ça fit dans le dîner de con. Sur ce, allez voir les images parce que oui, ça, c'est le cas de le dire, ça percute. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Assemblage requis. On va traverser, on va arrêter les voitures. Hein? Oui. J'essaie de faire un lien vers les voitures. Vers Jean Sémurguet. OK. T'es un vrai brigadier, Mathieu. Un vrai. Donc, bonjour, JS. Ça va bien? J'ai pas mes écouteurs. J'ai pas aucun écouteur avec une grosse plaque de même. Hey, on a failli l'échapper. Hein? Ouais, c'est ça. On peut t'en passer des grosses plaques de même. On a ça stock. On a ça stock. Donc, on parle de plein de sujets aujourd'hui. On parle de Infinity, de Q50, de manuel, mécanique, intelligence et un paquet de mots que je comprends pas vraiment, mais que tu vas nous expliquer parce que c'est toi l'expert en voiture, Jean-Samuel, n'est-ce pas? Avec grand plaisir. Oui, PRNDS, donc, commence maintenant. Et on a plusieurs sujets à naviguer. Par quoi est-ce qu'on commence aujourd'hui? On va commencer par commençons par la fin de mon essai du Range Rover Sport. Oui, celui qui était devant notre studio l'autre fois, c'est ça? Oui, je me suis aperçu qu'il y avait des barrières de chaque côté, finalement. On n'a pas accès ici. Ça t'apprendra. Mais c'est ouais. Ça qui est le fun avec un Range Rover. C'est pas nécessairement de passer partout, c'est de savoir qu'on peut le faire. Oui. Tu te sens puissant. Absolument. Puis d'ailleurs, le soir de la chronique, est-ce que j'en avais parlé? J'ai réessayé ma tentative dans la piste de skidoo. OK. Puis là, ça a bien été. C'est un charme, ça, en termes de traction intégrale. D'ailleurs, je vais avoir le Range Rover Evoque. Je l'ai booké. Pas le Ewok, là, comme dans le film. Là. C'est qui les petits bêtes poilus, les Ewok? Mais le pire, c'est qu'à part le poil, il y a à peu près la même Mathieu. Forme. C'est un petit baquet. C'est quoi la différence avec le normal, l'original? Dans le fond, ils ont sorti trois sortes de Range Rover. Le Evoque étant le plus petit, qui vient sur une nouvelle plateforme et avec une motorisation à 4 cylindres turbo-compressé. Il y a ensuite le Range Rover Sport qui vient après en termes de grosseur. Donc, il est 15 cm plus court que le Range Rover tout court. Et non, ça, j'aurais pas dû dire ça de même. Court, c'est redondant, répétitif. Ben oui, la même chose, mais bon. J'étudie en journalisme en plus. Ils disent d'essayer d'éviter de répéter les mots. Donc, plus court de 15 cm, plus bas de 5 cm, avec des formes plus sportives aussi. Et un intérieur qui est légèrement différent, moins axé vers les capacités en route, mais quand même, c'est une bestiole très impressionnante. Et le Range Rover, juste Range Rover, parce que toutes les autres, c'est les Land Rover, Range Rover Evoque, Land Rover, Range Rover Sport. Tu sais, quand on peut faire ça compliqué. Oui, vraiment. Tu sais, quand on a rien que ça à faire, ce qu'on sait à la tête. Il faut un organigramme pour comprendre les modèles. Et voilà. Et le Land Rover, Range Rover tout court, communément appelé au sein de la compagnie le RR. Ah, ben oui. Le double R, comme on appelle. Oui, exactement. Le R à la 2. En anglais, ça fait RR. Calmez-vous, restez calme. Assoyez-vous. Celui-ci, le Range Rover, c'est celui que j'allais essayer tout près du Grand Canyon il y a un an de cela et on l'a essayé dans toutes les conditions possibles. Il va avoir des plus grandes capacités, il va avoir aussi une plus grande capacité de chargement. Puis c'est toujours un prix qui est complètement inaccessible pour le commun des mortels qui n'a pas gagné L'Auto 649. Prix de départ, 100 000 $, s'il vous plaît. Mais, j'aurais pu l'avoir en essai celui-là, mais je trouvais que avec le sport, j'avais déjà pas mal fait le tour. Puis le Evoque, j'ai beaucoup de questions par rapport à ce véhicule-là parce qu'il est quand même assez accessible par rapport au prix. C'est un 65 000 de départ. Fait que tu sais, quand on magasine pour un X3, un Audi Q5, excuse-moi, j'ai dit 65 000, c'est 45 000 de départ. Ça, ça a plus de sens. Ouais. Et voilà, on vient d'enlever les mains. Un grand solde d'inventaire, tout doit disparaître. On enlève 20 000 $ sur nos plus beaux camions. Donc, c'est 46 500, quelque chose comme ça. Là. Donc, le prix de départ est intéressant. Fait quand on magasine pour, par rapport à la concurrence, la seule affaire, c'est encore là la fiabilité. Puis ça va demeurer toujours le sujet d'actualité par rapport à Land Rover. Est-ce que c'est fiable? Parce qu'au fil des années, ça nous a démontré exactement le contraire. C'est pas fiable et on l'espère fortement, mais c'est pas juste la motorisation, c'est un paquet de gadgets, c'est un paquet de cossins, c'est toutes les espèces de petites affaires électroniques qu'il peut y avoir sur le véhicule. Et je pense que c'est le lien idéal vers mon essai de cette semaine qui est la Q50 hybride de la marque Infiniti, qui est une mine d'or en termes de technologie, mais aussi une espèce de sapin de Noël de risque et de probabilité. De bris et de. C'est hallucinant la technologie qu'il y a là-dedans. C'est impressionnant. Je sais pas. Il me semble que. Moi, je trouve ça cool, les gadgets. Je me suis dit, des petits pitons, t'sais. Mais si tu me dis, tu me parlais tantôt de tourner le volant, puis finalement, ça fait quelque chose qui est pas. C'est pas comme avant. C'est plus comme c'était. Avant, c'était mécanique, puis là, c'est rendu de l'intelligence artificielle, presque. Exactement. C'est la conduite qui, au lieu d'être. Mécanique. Donc, quand on tourne le volant, ça fait tourner un engrangement. Exactement, différents engrenages qui finissent par faire tourner les essieux, donc les roues. Et sur beaucoup de modèles, sur beaucoup de voitures, ils commencent à changer ça pour une conduite électrique. Donc ça, c'est électronique, excuse. Fait que ça, c'est vraiment... Ça enlève le feeling de conduite. C'est le fun de sentir... Je sais pas si vous avez déjà essayé des vieilles voitures... Power bra, comme ah on oui. dit. Ah oui, qu'il n'y a pas de power steering dedans. Tu sais, le fameux cliché là, du gars là, qui met ses petits gants en cuir là, pour aller conduire pour sa voiture. Pour pas avoir d'ampoule. Ben, c'est ça. Parce que tu forces vraiment sur le volant pour faire tourner les choses, c'est ça? Oui, monsieur, il fallait que tu forces. Ça te faisait des pipes, là. Pas besoin d'aller faire des workouts, t'as pas besoin de... Tout le monde était douchebag à l'époque, tout le monde. Exactement. T'avais pas besoin de mettre sur Facebook que t'allais au gym, t'avais juste besoin de dire que t'allais faire une balade en voiture et tout le monde était prêt à un shake. T'es protéines, man, t'es protéines. Ouais. Oublie pas ton shake après. Et ça, cette sensation-là, puis d'ailleurs, je vais m'acheter un vieux muscle car, mais ça, c'est un autre sujet. C'est un rêve ou tu vas t'acheter ça? Je vais m'acheter ça. Okay. Mais un rêve, dans le fond, c'est quelque chose qu'on veut faire. Ben oui, c'est ça. Mais est-ce que tu as une voiture qui est attitrée à ton nom? Là, parce que je sais que tu essaies beaucoup de choses, mais est-ce que tu as une vraie voiture à toi? Là, oui, mais elle est entreposée, je n'ai pas de besoin. OK. Je m'en sers, dans le fond, pour les assurances. Donc, cette voiture-là est assurée, puis ça me permet d'être assuré sur toutes les autres voitures que j'essaie. Puis elle est complètement inutile. Je dirais même pas c'est quoi la voiture. Non, tellement c'est. Si c'est juste pour des assurances, on va se le dire que t'as pas pris le char le plus cher au monde. Là. C'est un Tonka pour en faire, c'est un Little Tyke. Mettons que je te vois venir. Là. Et en passant, la pire affaire que tu peux faire une voiture, c'est pas des courses de démolition. Quoique c'est un effet plus rapide et c'est inévitable. Ça fait juste rapprocher l'inévitable. La pire affaire que tu peux faire à une voiture, c'est exactement ce que je fais à mon véhicule en ce moment, c'est-à-dire rien. Pas s'en servir. Ben servir. C'est hallucinant comment puis ça. Puis laisser le break à bras, genre juste pour dire qu'il reste collé. C'est ça. Puis que ça soit bien enfoncé, puis que la poussière vienne mordre là-dedans. Mm. Fait que c'est ça, la Q50 hybride, une merveille de technologie. Et ce qui a retenu le plus mon attention, puis ça, je trouve ça légèrement dérangeant. Ça s'appelle... Il y a un régulateur de vitesse adaptatif qui vient ajuster le cruise control en fonction du véhicule qui est en avant de nous. Mm-hmm. Donc, je peux régler ça à 100, 200 et 300 pieds. Donc, une fois qu'il est réglé, s'il y a un véhicule en avant de moi qui roule à 100 km/h et que mon régulateur de vitesse est adapté à 120, eh bien, ma voiture va s'adapter à la voiture qui est à l'avant à 100 km/h. Ça va juste suivre comme exactement. Faut. Okay. Donc, ça va s'ajuster tout en douceur. C'est pas de gros coups de frein bien intense. Sauf si un véhicule nous coupe. Si un véhicule nous coupe, il va s'arranger pour freiner. Ah. Pour éviter qu'on rentre dedans, il va y avoir des avertisseurs aussi qui vont. Ouais, parce que sinon, ça, les avertisseurs, ça a l'air comme presque dangereux. Je veux dire, est-ce qu'il y a un conducteur pour aller faire une petite sieste sur le siège en arrière pendant que ça avance tout seul? Ben non, parce qu'il reste encore le gauche et le droit. Parce que là, on fait juste ajuster la distance. Si tu enlèves tes pieds, les pédales, des autres affaires que je sais pas trop comme où c'est que tu mets ça. Là. Tu mets pas tes mains sur les pédales. Sauf que Infiniti arrive cette année avec le gauche et le droit. Oh, hein? Ben oui. OK. Mais ça prend les lignes parce que les autres, c'est un détecteur qui s'ajuste avec les lignes de l'autoroute. Et à ce moment-là, il va garder le cap entre les lignes. Wow. Donc, pas pour l'hiver, mettons. Exactement, pas pour l'hiver. D'ailleurs, vous devriez jamais mettre le régulateur de vitesse adapté, le régulateur de vitesse durant les tempêtes, durant les conditions trop dangereux. Qui sont sans faire spinner les roues. Ça. Tout à ça, fait, ouais. Très dangereux. Même si la chaussée est mouillée, évitez d'utiliser le cruise control. Allez-y directement avec l'accélérateur parce que le cruise control, ce qui arrive, c'est que quand il y a une perte d'adhérence, il va continuer de donner du gaz. Ah oui. Puis c'est à ce moment-là que ça peut être dangereux. Hmm. Puis tu sais, des fois, on voit des sorties de voie, on voit des accidents. C'est... La plupart du temps, ça peut être à cause de ça. Surtout si vous avez des pick-up, des véhicules qui sont propulsion, vous allez vraiment avoir l'impression de perdre le contrôle parce que c'est les roues d'en arrière qui vont spinner. Puis qu'est-ce qui arrive quand on spinne les roues d'en arrière? Eh bien, on fait des roues! Oui! Sur l'autoroute à 120 km/h, c'est jamais ben le fun. Non! Fait que la Q50 hybride des détecteurs... Qui contrôle le volant. Fait que, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Tu sais, mettons qu'on a besoin de conduire notre voiture, on n'a pas de cruise control, on n'a pas de ça s'appelle un contrôle actif de sortie de voie. On texte, on appelle. Ouais. On fait les sudoku, on fait des tatas, on parle à notre ami, on change de CD, on mange un beigne. Imagine que t'as pas besoin tant que ça de tenir le volant. T'as pas besoin tant que ça de regarder en avant. Est-ce que ça va devenir illégal un jour, un peu comme l'utilisation du téléphone cellulaire, sur le cruise control? Au contraire, parce qu'avant qu'ils passent la loi, ils vont sortir la voiture qui est pleinement autonome. Comme les voitures de Google pour leur Google Street View, là, les voitures se contrôlent ça, il n'y a même pas de conducteur dedans. Et puis, ouais. Puis d'ailleurs, il y a des compétitions entre universités, puis à date, il y a des voitures qui font des parcours assez impressionnants. C'est hyper pointilleux, t'as des fausses villes qui sont montées pour l'occasion. Puis les voitures sans conducteur, 100% autonomes, respectent le parcours qui est mentionné pour le challenge et le défi. Puis ils réussissent à 100%, ils arrêtent aux lumières rouges, arrêtent au stop, n'arrêtent pas s'il n'y a pas de stop de leur côté. C'est assez impressionnant. D'ailleurs, ça je trouve ça drôle parce que c'est pas vraiment un scoop, mais disons que c'est une petite avant-première parce que j'ai écrit dans le magazine Prestige. Je sais pas si on a ça ici, Trois-Rivières, magazine Prestige. Ça parle de quoi ça? Ça parle de trucs prestigieux. Voilà! Notamment, l'édition de ce mois-ci est une édition spéciale pour le guide du Salon de l'Auto de Québec. Donc, j'ai une section gadgets et technologies là-dedans. Et il y a une technologie qui est le contrôle du véhicule par la pensée. Oh! J'ai justement hâte de pouvoir, à la place de faire livrer du restaurant, tu demandes à ton char, par ta pensée, va au resto me chercher un Double Big Mac, puis ramène-moi ça. Finalement, il ouvre juste la fenêtre, les gens garochent ton McDo. Puis voilà. Tu reviens, puis ton McDo, il est tout garoché. Ton char mange ton McDo. Il fait tout, ce char. Ouais, non, Prestige, ça me rappelle, je pensais que c'était un magazine d'horticulture, tu sais, Prestige. Prestige. Tu mets tes plantes dedans. Tu presses tes tiges. Je la trouve vraiment drôle. C'est un vrai rire. C'est un bon public, ça. Ouais. Ouais, c'est un vrai rire. C'est pas forcé. Ah, tu sais pas, j'ai de la pratique. Voilà. C'est qu'à chaque fois qu'il rit pas, je dis, hey, c'est parce qu'il rit de ma blague. Là. Ouais, c'est ça. C'est qui l'animateur, ça? Ouais. Fait que. Ça fonctionne, le contrôle du véhicule par la pensée. Okay. En passant. En passant. Ouais, ça fonctionne. C'est l'Université de Berlin qui est en train de travailler là-dessus. Est-ce qu'on va perdre le plaisir de conduire? Ouais. Hein? Pour quelqu'un qui aime conduire. Mais en même temps, tu sais, on perdra jamais nos vieilles habitudes. On perdra jamais les. Tu sais, je sais pas si vous avez vu le studio qu'on a ici en ce moment. Tu sais, on est quand même rempli de technologies qui datent de plusieurs années. Tu sais, les rideaux sont encore pareils. Ah! Tu sais, avant que tout soit contrôlé par la pensée, je pense qu'on a le temps de mourir une couple de fois. Fait que je m'inquiète pas trop là-dessus. Mais quand même, oui, c'est effectivement pas tant plaisant que ça à conduire une voiture avec ta pensée. Là. T'as plus le feeling, justement, de plein pouvoir sur ta voiture, sauf par la pensée. Là, c'est que t'écoutes une chanson, c'est en haut, en bas, à gauche, à la jambe, à droite, devant. Fait que là, tu l'écoutes dans ta tête. Fait que là, ben, tu vas tout le temps tourner à droite. Mm-hmm. Puis imagine si quelqu'un a un déficit d'attention, puis tout à coup, il part dans la lune. C'est ça. Ou t'as besoin de Tetris, ton téléphone. L'auto part dans l'une. Ah, j'ai pas catché la fin de ta blague. Mais ah, rire vrai! C'est un bon point à soulever parce qu'il y en a qui conduisent avec leurs mains, leurs pieds, leur pleine attention, puis ils roulent comme des Mongols. Imagine avec leurs pensées. Tu sais, on voit des gens agir des fois dans les centres d'achat là, avec leurs enfants, puis on se dit, mon Dieu, ils devraient donc bien mettre des permis pour avoir des enfants. Puis ces gens-là peuvent conduire avec la pensée. Tu sais, le genre de personne qui est capable de te rentrer dedans dans un espèce de grand air ouvert où il y a juste toi. Ouais. Tu sais, le genre de gens qui agissent comme des imbéciles, si eux conduisent avec la pensée, je ne veux pas être. Ouais. Des gens qui sont vraiment enragés, là, du genre, ah, oh, maudit que lui, j'y aurais rentré dedans. Boum! J'ai toujours eu, moi, ce fantasme-là d'être capable, tu sais, d'avoir des super pouvoirs, puis quelqu'un me coupe ou, tu sais, qu'il arrive quelque chose, que je suis capable de lever son char dans les airs, puis de l'écraser, de le pitcher. Mais, en tout cas, ça, c'est quand je rêve, bien sûr. C'est ça, oui. C'est ça. Tes fantasmes. Fait que la Q50H hybride, deux écrans tactiles, boîte automatique à 7 rapports, pas de boîte de vitesse manuelle, parce que ça, on est en compétition avec les berlines de luxe. Donc, Audi A4, BMW Série 3, Acura TL, Mercedes Classe C. Et de plus en plus de boîte manuelle. C'est fun, une boîte manuelle. Je suis un puriste. D'ailleurs, je suis abonné à la page Facebook God Save the Manuals. Dieu sauver les manuels. Toutes les différents manuels. Urtubis et autres. Oui, les boîtes de vitesse. C'est ça. Je tripe sur les boîtes de vitesse manuelles. Puis à chaque fois que j'ai un essai, durant la semaine, je regarde tout le temps le véhicule en espérant qu'il soit avec une boîte de vitesse manuelle. Puis quand c'est le cas, I'm party. Happy. C'est ça. Ben, c'est, tu connais ça. Et tu veux, c'est comme quand tu cherches une fille, tu as des critères. Quand tu cherches une voiture, tu as des critères aussi. Mm-hmm. Puis toi, tu as besoin de quelqu'un qui a un manuel. Je cherche des... C'est bizarrement dit de même, moi. Ouais. D'ailleurs, j'ai parlé avec deux dames d'à peu près 80-85 ans au Café du Monde à Québec, il y a à peu près deux semaines. J'ose un peu avec eux autres, puis eux autres, c'est des puristes, les tripes boîte de vitesse manuelle. Ah, moi, je conduis juste manuel. Personne ne va m'enlever. Ça avance pas à moitié avec un automatique. J'ai fait une petite vidéo avec les deux dames, d'ailleurs. Elles étaient super gentilles. Puis je les ai convertis à un autre poste de radio. Mais ça me surprend qu'il n'ait pas dit genre, moi, je conduis avec un cheval. Je conduis un cheval. un étalon noir, moi, une grosse queue. C'est tout ce que je veux. C'est mon grand Roger. C'est ça. Je l'appelle Roger. Faut que ça sorte mauvais quand je suis derrière. Je fais une voix de monsieur, ça dit, ben, avance, comprends. Ouais. Moi, je faisais la voix de monsieur, justement, dans le couple. Dans le couple. C'était un couple de vieux. C'est son Roger. Sinon, c'était long comme parenthèse, hein? Oui, quand même. Prix de départ, 47 000 $ pour la Q50 hybride. Mais le prix de départ pour la Q50, c'est 37 500. Et c'est quand même pas pire d'énorme. D'habitude, c'est 40 000 pour une voiture, pour une berline de luxe dans ces catégories-là. J'ai préféré la conduite de la série 3. Je préfère aussi l'intérieur de la A4. La A4, selon moi, la conception est parfaite. Ouais. Mais peut-être qu'avec le temps, ils vont faire un mélange des deux. Ils vont peut-être faire différents modèles qui mélangent les options des deux que t'aimes. On verra. Je le souhaite pas. Je souhaite qu'ils restent en compétition. Okay. Parce que Audi appartient à Volkswagen. C'est, le groupe Volkswagen possède Volkswagen, Audi, Porsche, Bugatti, Bentley, Seat. C'est ça. Lamborghini aussi. Ouais. Fait qu'il voulait acheter Ferrari. Il voulait acheter Ferrari l'année dernière, si je ne me trompe pas, parce que Ferrari qui appartient au groupe Fiat était un petit peu dans le trouble, des petits problèmes financiers. Puis Volkswagen a juste ça de l'argent. C'est hallucinant. D'ailleurs, ils viennent de tomber numéro 2 mondial en termes des ventes pour tout le groupe. Fait que ça, c'est très impressionnant. Ils viennent de clencher GM. Puis okay. Sérieusement, je trouve que c'est une très bonne chose. Pourquoi? GM, c'est comme un enfant avec des retards intellectuels. Oh! Ben du bruit, ça essaye bien des affaires, ça donne pas bien de résultats. Wow! C'est clair, ça. C'est une belle comparaison, ça. On va leur envoyer le message. Oui, vraiment. Je t'ai essayé 6 nouveaux modèles il y a 2 ans. Puis c'était une déception totale. J'essaie la nouvelle Sonic RS. Puis là, je sors du véhicule après l'essai. Puis il y a un gars qui vient me voir. Puis il me dit en anglais: hey, comment t'as trouvé ça? J'ai dit: ben, on dirait une Yaris. J'ai détesté ça. J'ai pas aimé ça partout. Puis le gars fait: il se met quasiment à pleurer. J'ai dit: qu'est-ce qu'il y a? C'est moi qui l'ai conçu. Oh non! J'ai dit: ben, viens-t'en, on va se parler parce que. La boîte de vitesse manuelle n'est pas assez fluide. Les sièges sont zéro confortables. La qualité des matériaux à l'intérieur, c'est vraiment à revoir. Puis il était fier de ça. Oh, et hyper proud. Je suis désolé, je ne traite pas en tout. Puis là, ils viennent de sortir le Chevrolet Trax / Buick encore. C'est une espèce de véhicule mélangé. C'est une espèce de sous-compact avec un petit camion. Ça ressemble pas à grand-chose. Puis c'est horrible. La conduite là-dessus, c'est une catastrophe. On faisait des tests de freinage quand on faisait l'essai, puis si tu freines en ligne droite, toute la suspension, elle travaille beaucoup trop, puis ça n'est quasiment dangereux, elle vient s'écraser par l'avant, puis si tu as le malheur de tourner un petit peu en même temps, tu as l'impression que la voiture va faire un front flip. Ah, oh, ouais. C'est une voiture de skills. Skills. Tu peux faire des skis acrobatiques. Uh-huh. La Buick acrobatique. Il aurait pogné de quoi, le concepteur, si j'étais arrivé avec un front flip dans la face? Oui. Pauvre gars. Fait que Volkswagen fait plus d'efforts, travaille leurs produits pas mal plus, beaucoup plus de développement, puis ils ont un produit qui est pas mal plus de qualité que GM en ce moment. GM, son poste qui a déjà été. Buick, moi, ça me fait juste penser... à des grands-mamans avec tu sais les gros chars bateaux là, Buick là. Avec la valise qui est aussi grosse que tout le reste du char. C'est beau le, quand même. Le pire là, c'est qu'ils sont rendus avec une Buick Regal GS Turbo. Okay. La première voiture Buick de toute l'histoire de Buick qui se fait avec une boîte de vitesse manuelle et un turbo. C'est un méchant bolide très intéressant. Puis Cadillac et la branche de GM qui possède aussi Chevrolet, GMC, Buick, et feu Pontiac et Saturn. C'est vrai, c'est ça. Hummer. Oui. Ça existait, puis pendant la crise économique en 2008, ça l'a pris le bord. Et personne qui a fait: oh non! Ma Saturn! Ouais, ma belle Saturn. De plastique, ouais, genre. C'est, ouais. Ça n'a pas été tant regretté, disons. Qu'importe. Donc, Cadillac est la seule branche de GM qui est vraiment époustouflante, qui vient rivaliser avec des produits germaniques, qui a une belle finesse, un intérieur à tout casser. Puis, c'est la branche qui mérite... Est-ce que tu es en train de chercher pour... tu cherches-tu la Buick Regal GS? Non, je l'ai trouvée. Elle n'est pas mal, n'est-ce pas? Ben, elle a quand même un petit look, là. Ouais. Parce qu'effectivement, les Buicks s'associent à des voitures de vieux, mais les nouveaux modèles qui sont sortis... Ouais, c'est plus jeune. Et... Mais c'est pas pour mon cheval, c'est pas pour mon cheval. C'est pas bien meilleur, mon cheval. La seule raison qui fait que Buick est encore en vie, parce qu'il aurait dû s'éteindre avec Hummer, Pontiac et Saturn, c'est les Chinois. Ah ouais? Ouais. Comment ça? Parce qu'en Chine, ça se vend comme des petits pains chauds sur le bord de la fenêtre en plein été. ça se vend de façon hallucinante. Principalement des hommes qui viennent de finir l'école puis qui sont des jeunes hommes d'affaires qui vont acheter ça. Puis ça se vend, tu sais, des jeunes hommes d'affaires en Chine. Il y en a. Caroline, il y avait pas rien que ça. Hein, ce qui est bizarre, parce qu'en Asie, ils sont reconnus pour être de plus petite taille, puis ils prennent des voitures qui sont très très larges, mais ils sont pas plus hautes, ils sont juste plus larges. Ça fait bizarre. Très très bien vu. Les voitures Buick en Chine. Et d'ailleurs, la ville où se vend le plus de Rolls-Royce dans le monde? La ville. Ça commence par un H, puis ça finit par un Hong Kong. Ça finit par un Hong Kong. Et ben, donc, est-ce que ça faisait le tour? Absolument, ça fait le tour. Si j'ai besoin de votre aide à tout le monde. Okay. On a mis en ligne une vidéo sur mon essai au Camp Ford Porsche Canada. Oui. J'ai pas assez de vues. Je suis vraiment très déçu. J'ai besoin de votre aide massivement. Si vous pouvez partager le vidéo... en parler à vos amis, créer des soupers de famille où ce que vous pouvez en discuter, n'importe quoi. J'ai vraiment besoin de votre aide parce que, tu sais, dans le fond, on a des partenaires qui paient les vidéos, qui nous aident là-dedans, puis ça prend des résultats pour être capable de poursuivre les vidéos. C'est exact. Et sont très bonnes, les vidéos très divertissantes, donc pour vrai, ça vaut la peine de faire continuer ça en donnant des vues. Colin, c'est tellement facile. Ben oui. T'as juste à l'écouter. Exactement. L'écouter, le partager et en parler, c'est pas si compliqué que ça. Faites votre job, là, on vous demande une affaire, c'est pas compliqué. Ben oui. On travaille très fort sur les vidéos. Puis, ben oui, le montage est excellent. Ah oui, c'est excellent. Donc, on va évidemment sur la page Facebook, facebook.com/prnds.net. Exactement. Sinon, le site web prnds.net. Tout à fait. Sinon, ajoutez-moi sur Facebook, Jean-Samuel Guay, ça va me faire plaisir de vous aider. Et vous pouvez me rejoindre par téléphone si vous êtes en train de magasiner un véhicule, vous avez des questions, vous n'êtes pas trop sûr par rapport à acheter ou vendre, ou vous demandez si vous devriez acheter une Chevrolet. Eh bien, n'hésitez pas à me contacter par téléphone, 418-999-6949, par texto, c'est tout le temps l'idéal. Génial, et on suit dans Zone Campus aux deux semaines. Il y a un nouveau numéro qui sort aujourd'hui. Tout okay. à fait. Okay. Justement, sur le dit Camp 4. Quel hasard! Quel hasard! C'est pas le Camp 4, c'est le campus. L'avais-tu déjà fait, Zone Camp 4? Non, je l'avais pas fait, mais c'est quand même drôle. Merci. Zone Camp 4, ouais. C'est pas drôle, haha, rire, c'est à la gorge déployée. Je vais garder la gorge à l'intérieur de mon parfait. Corps. Donc, Jean-Samuel Guay, à la semaine prochaine, tout le temps, les mardis à 7h30. Tout à fait. Ah non, en fait, je ne serai pas là la semaine prochaine. Bon, ben, 15 et 10. Je serai en Floride. Oh! Ben, bon voyage. Est-ce que tu vas essayer une voiture là-bas? Oui, je vais essayer le Toyota Highlander 2014. OK, c'est officiel. Absolument, c'est officiel, c'est réglé. La voiture m'attend à la porte. On va arriver. C'est extraordinaire. C'est vraiment en limousine. Il est tellement fancy, ce gars-là. J'ai acheté une GoPro pour pouvoir faire des vidéos sur place. Et hier, j'ai roulé dessus avec la moitié. Oh, tu prendras un forfait interurbain juste pour mardi prochain, puis on fera une chronique téléphonique. Live dans ton char. Non, merci, Jean-Samuel. Dans deux semaines. Donc. Salut. Salut. Bye. Et toujours à Sondage Requis. On prend une petite pause musicale, en fait. On s'en va entendre une nouvelle pièce de Jobin qui fit avec le sujet de la chronique véhiculistique. Voici Take a Ride de Jobin. Take a Ride comme dans Embarque dans le char. Puis... Traction intégrale et autres termes que je suis sans savoir ce qu'il veut vraiment dire. On trouve un lexique, Mathieu. OK. Un petit glossaire. Oui, un glossaire. De glossaire. Myself after I split with my lover too fast. Can you feel my pain? You too gorgeous. Take a ride. If not, I'm out of control after a fast goodbye. Can you feel my pain? You too gorgeous. Once, too far. I'm not strong enough to cope with loneliness. Survive. Need to stop this merry-go-round and I try. In vain, but I try to forget you. Oh my Lord, can you teach me? Is it too late to start over again? Take a ride, think about the good time we spent together. Survive, can you feel my pain? You take your choice. Take a ride, go fast and please never come back, even shoot the light. Can you feel my pain? You take your choice. Once, two, so handsome. I want to make my way, but I fall on my love. Can you teach me how to shut my pain? Can you help me, even if it is vain? I bleed slowly. Can't you see it's a crime? If you leave me, can you be there for me? Can you be there right now? Is it too late to start over? Présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Pour prier, les fidèles d'une certaine chapelle aux États-Unis, ils viennent entièrement nus. Donc, une chapelle nudiste. Bien oui. Bien que cette chapelle située aux États-Unis se présente sous un aspect tout à fait banal, les offices religieux qui s'y tiennent à l'intérieur sont pourtant loin d'être conventionnels. Eh bien oui. Donc, en s'appuyant sur les versets de la Bible et l'histoire d'Adam et Ève, le pasteur Alan Parker a décidé récemment d'inviter ses fidèles à venir prier entièrement nus dans son église. Loin de vouloir choquer ou provoquer qui que ce soit, ce pasteur aux idées larges souhaite au contraire permettre à tout le monde de se sentir à l'aise dans son église en aidant à sa manière la réconciliation du corps et de l'esprit. Moi, je trouve que c'est magnifique, vraiment. C'est parfait, on peut rien dire contre ça. En plus, son idée est bonne. Situé dans le comté de Southampton, dans l'État de Virginie, le White Tail Chapel, quand même, hein, la queue blanche, le titre, c'est quand même drôle, accueille ainsi tous les week-ends une étonnante communauté de chrétiens qui n'hésitent pas à débarquer de l'église comme les autres débarquent sur une plage de nudistes. Si quelques-uns préfèrent garder un T-shirt ou encore un soutien-gorge, d'autres, en revanche, n'hésitent pas à se rendre topless dans la maison de Dieu lorsque ce n'est pas entièrement dévêtu de la tête aux pieds. Par contre, me semble une petite serviette juste en dessous des fesses, pas être assis... à la même place que l'autre qui n'était pas nécessairement si propre. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Selon le pasteur Alan Parker, venir nu à l'église permettrait de mettre tout le monde sur un même pied d'égalité et aiderait à ramener les gens à leur simple condition d'être humain. Dans leur simple appareil, il n'y a pas le sentiment de devoir physiquement être mieux qu'un autre. Nous sommes tous humains, nous avons des cicatrices, nous avons des défauts, nous avons ce que nous avons. Nous apprenons à aimer et à accepter cela, explique encore le pasteur. Qu'est-ce qu'on peut dire contre ça? Absolument rien. Lui-même convaincu par sa méthode, le pasteur qui officie au sein de la Whitetail Chapel vient ainsi tous les dimanches réaliser ses sermons dans son seul vêtement. Sans un seul vêtement sur lui, entièrement nu lorsqu'il s'adresse à ses fidèles, Alan Parker dit être fier du corps que Dieu lui a donné et se félicite que les gens soient si nombreux à suivre sa démarche, comme le font bien volontiers Robert and Katy Church, qui se rendent ainsi tous les week-ends nus à l'église et se sont même mariés sans aucun vêtement au sein de cette église, décidément pas comme les autres. Vraiment, allez voir, il y a une petite vidéo qui est bien intéressante, qui explique le tout. C'est à voir, et puis on peut rien dire de négatif là-dessus, moi je trouve, absolument pas. C'est juste sympathique. Ici, on a un berger urbain qui loue ses moutons pour tondre les gazons. Comme je disais tantôt, ça me fait penser à moi qui voulais louer mon cheptel de castor pour si vous avez du bois à abattre, si vous avez une terre à bois. Ça pourrait être pratique. Donc, des éleveurs qui reviennent en ville, comme au temps des transhumances, des bergers urbains louent désormais leurs moutons dans des espaces verts pour une tonte écolo-bobo. Hein, bon chic, bon genre. Installé dans l'Oise, Armand Harley Hoffov n'est pas mécontent de parler de sa petite entreprise au sein du Salon de l'agriculture, dont l'un des deux thèmes cette année est l'agriculture urbaine. Trentenaire, pantalon de velours et chaussures de ville tachées de boue, ce n'est pas le genre d'agriculteur que l'on rencontre tous les jours. Il vient de la Haute et vit toujours chez ses parents dans le grand domaine familial de Longueuil-Sainte-Marie. C'est un tanguy, certes, mais qui entreprend. Il a ouvert un restaurant sur les terres de papa et s'est lancé dans la location de moutons, voilà maintenant 2 ans. L'idée, il l'a trouvée chez lui, car depuis toujours, la famille a des moutons pour tondre son gazon. La propriété est constellée d'étangs et l'entretien de ses parcelles tarabiscotées est difficilement mécanisable. C'est ce qu'explique le père Denis. Rencontré dans son manoir où les pièces en enfilade semblent venues d'un autre siècle. Les Harley Hoffov, ont aujourd'hui 280 moutons. Ils produisent de la viande et qu'ils vendent à des abattoirs ou à des bouchers. Mais comme cette activité est déficitaire, Armand cherche un moyen de la diversifier. Les Harley Hoffov ont donc au début... Attends un peu. C'est parce qu'il y a eu un pop-up et puis c'est toujours un peu compliqué. Au début, donc, il pensait aux particuliers, mais la sécurité aurait été difficile à assurer avec des moutons susceptibles de s'échapper sur la route ou des enfants à surveiller, etc. Et puis, à une famille, on ne peut louer qu'un ou deux moutons. C'est pas très rentable. Alors, il s'est tourné vers les entreprises et la Lyonnaise des Eaux est la première à avoir mordu. C'est ainsi qu'à l'été 2012, il a placé 50 moutons sur la station d'épuration de l'agglomération qui est situé à Lacroix-Saint-Ouen. Et pour les convaincus, il a joué sur des arguments. Pour les convaincre, pardon, il a joué sur des arguments à la mode avec des moutons pointe tondeuse. Donc, vous économiserez de l'énergie. Et surtout, les excréments des moutons sont un engrais naturel et il attire des microbes, insectes et oiseaux. C'est ainsi que toute faune et une flore se réinstallent. C'est tout à fait vrai, hein? Le pâturage crée une mosaïque de micro-milieux naturels qui constitue un habitat naturel pour la biodiversité, contrairement au fauchage et à sa coupe uniforme. En plus, ça change du calme ambiant. Le but du jeu était de réduire l'empreinte carbone du site, explique Cyril Le Sueur, responsable de la station d'épuration. La cohabitation avec les employés s'est bien faite. Les employés étaient beaucoup amusés par l'activité, et ça changeait du calme ambiant. Les bergers les entourent dans un enclos qu'ils déplacent toutes les 2 semaines afin que toute la surface soit broutée. Les bêtes, elles, s'adaptent parfaitement, raconte Michel, surtout quand il y a de la bonne herbe. Elles restent ainsi d'avril à septembre et en partant, Armand passe un bon coup de tondeuse mécanique histoire de tout remettre à niveau pour l'hiver. L'initiative a fait des petits au sein de la Lyonnaise des Eaux qui utilise désormais cette tonte naturelle pour plusieurs de ses sites. Et pour l'été prochain, Armand a déjà 2 autres clients. Weckmatz Béton, un site dans l'Oise du fabricant de matériel électrique Legrand.